Nouvelle scène nationale, l'émission, sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Rodolphe Burger, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'un concert, d'un spectacle, car c'est bien plus qu'un concert qui va se dérouler au cours de ce mois de mai, à la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. La date est prévue pour le mercredi 15 mai à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Couscous Clan, un spectacle que vous avez conçu avec Rachid Taha, qui nous a quittés en septembre dernier. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un concert hommage, d'un concert en mémoire de Rachid Taha, ou est-ce que c'est l'occasion sur scène, on va dire, en quelque sorte, d'immortaliser les souvenirs partagés que vous avez avec lui? C'est un peu tout ça, forcément, vous avez raison, mais c'est surtout une manière de, je dirais, de poursuivre du côté vivant, enfin, de continuer à faire vivre notre relation, je dirais, qui s'était à un moment concrétisée, enfin, dans ce projet qui au départ était presque une blague, hein, c'était surtout une bonne blague de Rachid qui disait ça de temps en temps, tiens, on devrait faire un groupe qui s'appellerait le Couscous Clan. Et puis on l'a fait, et puis c'était un projet qui nous a donné beaucoup de joie et qu'on avait l'intention de poursuivre ensemble sur le principe de l'hospitalité, c'est-à-dire c'était pas un projet figé, c'était quelque chose qui était destiné à évoluer au gré des invitations à d'autres musiciens. Donc au moment où Rachid a disparu, on s'est posé la question bien sûr avec les musiciens, et j'ai assez vite proposé qu'on continue. Non pas dans une démarche nostalgique simplement, c'est aussi pas, simplement pour continuer à lui donner vie, quoi. C'est le Rachid tellement vivant qui reste présent pour nous tous et qu'on a envie de garder d'une certaine façon avec nous, quoi, de cette manière-là. Quand vous disiez effectivement c'était un peu pour rire au départ cette aventure, il imaginait à vos côtés fabriquer ensemble une sorte de commando musical de protestation joyeuse. Dans cette présentation, c'est vrai qu'il y a différentes humeurs et différentes sensibilités qui étaient un peu le fruit de ce que vous en avez produit sur scène. Oui, et puis c'était simplement au départ, on a mis en commun, on avait évidemment beaucoup de choses en commun dans nos références musicales, etc. On avait aussi des provenances à la fois musicales et biographiques différentes. Ce qui est drôle, c'est que, vous savez, on a vécu enfant dans la même petite ville d'Alsace. Là. C'est là que je vous parle d'ailleurs. Bon, j'ai mon studio là en Alsace à Sainte-Marie-aux-Mines, c'est quand même assez incroyable. On a découvert ça dans les années 80, Rachid a vécu ici. Enfant qui est arrivé de son bled natal à l'âge de 10 ans, dans cette petite ville d'Alsace, il y a passé 3 ans de son enfance. Donc on avait aussi ce point commun assez fortuit, quoi. Et voilà, il revendiquait même une origine alsacienne, enfin quasi alsacienne, là aussi pour rire, mais bon, ça devenait. Donc ça nous a amené à faire des choses assez étonnantes. Puis il m'a fait chanter en alsacien sur une musique algérienne. Je l'ai fait chanter en arabe sur Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed. Enfin bon, voilà, c'est le principe du Couscous Clan, c'était bien sûr le mélange, mais pas le mélange n'importe comment, c'était le mélange de nos deux personnes, d'une certaine façon. Alors quand on parle effectivement de le mot mélange aussi correspond effectivement à ce qu'il a imprimé dans le paysage musical français, quoique j'ai l'impression, c'est pour avoir lu un certain nombre de choses à son propos, c'est pour avoir suivi aussi sa carrière, qu'il était beaucoup plus apprécié pour ses immenses qualités de musicien, non pas ici en France, mais plutôt en Grande-Bretagne. Comment vous expliquez ce phénomène? Parce que c'est son, au fond la France n'est pas pays, même si c'est un pays d'accueil pour toutes les musiques, est un pays de mélomanes que tous les musiciens du monde apprécient pour ça, mais la France en même temps n'est pas un pays très rock'n'roll. Et Rachid est aussi un véritable rocker. Et ça, les Anglais l'ont parfaitement compris. Et il a été reconnu pour ça par d'éminents rockers, à commencer par les Clash. Absolument, oui. Bon, j'ai eu la chance de jouer avec lui en Angleterre plusieurs fois, et c'était impressionnant, quoi. C'est-à-dire que là, le public s'y trompait pas. On était vraiment, je me sentais beaucoup plus en phase, au fond, avec le public là-bas et avec la proposition qu'on a, musicale qui était la nôtre. Parce que voilà, il y a cette culture rock hein, en Angleterre qui est quasiment, enfin voilà, c'est quasi génétique quoi. N'importe quel, on a l'impression que n'importe quel Anglais dans la salle a joué de la guitare, connaît par cœur les riffs des Clash. Et à peine je commençais à esquisser le riff de Rock de Casbah, je me souviens, le public du Barbican était debout quoi. Ça, et bon, ça, en France, il y a eu c'est un peu ce malentendu, c'est-à-dire aussi peut-être dû à, il y a eu un 2-3 soleils, il y a eu ce côté musique du monde. Oui, on a cherché, alors je ne sais pas s'il y a contribué, mais je pense que ça le fâchait même, qu'on cherche à lui mettre une étiquette et à l'enfermer dans un genre particulier. On a dit de lui plein de choses, ce découvreur du rock'n'roll, le punk du rail, et certains, effectivement, un, deux, trois soleils, c'est dans les années 90. Tout de suite, on l'a un peu enfermé, sans que lui cherche à être enfermé dans ce genre. Exactement. Il a passé son temps, lui, en fait, à tracer des tangentes incroyables, à établir des ponts, mais avec le rock, bien sûr, mais aussi la musique électronique très tôt. Il a travaillé avec, il est allé chercher Stevie Lage en Angleterre pour la production de ses albums, qui était à ce moment-là dans une certaine recherche du côté des sons électroniques. Donc, c'est quelqu'un qui était constamment à l'affût, constamment dans une curiosité incroyable de choses nouvelles, mais aussi dans une mémoire. Dans une vraie mémoire d'énormément de musique, hein, du rock bien sûr, des musiques rail et des musiques du Maghreb en général, mais aussi les musiques, je sais pas, ou Kansou, enfin, il avait une culture immense, parce qu'il avait une curiosité immense, donc c'était pas une culture acquise tellement, c'est une culture héritée, c'est une culture qui s'est aussi fabriquée, quoi. Quelqu'un qui était doté d'un instinct extraordinaire et d'une très grande rapidité. Alors, en même temps, vous étiez fait pour vous rencontrer, j'ai l'impression, parce que vous n'avez pas la même histoire, le même parcours, vous avez quand même partagé des sensibilités musicales ensemble. Moi, j'ai les souvenirs, comme beaucoup d'autres certainement, ceux qui nous écoutent, des années où on vous a découvert dans le groupe Catonomas. Déjà, vous aviez non pas revendiqué un genre, mais l'idée de décloisonner les musiques, de ne pas vous enfermer dans un genre particulier, vous étiez à la croisée des musiques improvisées, du rock, du jazz et d'autres musiques peut-être. Cet apport-là, dans la rencontre, j'imagine que ça a été aussi important. Oui, non, c'est vrai. Je pense qu'on partageait ce goût, bien sûr, de la liberté, quoi. Enfin, musicale et la liberté peut-être en général. Mais c'est vrai qu'on s'est rencontrés avec Rachid dans ces années-là. Moi, j'avais le groupe Catonoma, et lui, il y avait évidemment des cartes de séjour qui étaient déjà derrière lui. On s'est croisés à Paris, c'était dans les années 86-7, quelque chose comme ça. Donc, et c'est vrai qu'on a assez vite partagé, alors même qu'on était... on n'était pas au même endroit, et en même temps, on s'est tout de suite, c'est vrai, très bien entendu, et c'est une sorte de fraternité, quoi, qui s'est développée entre nous, et puis qui s'est concrétisée, mais assez tardivement, quoi. La première chose qu'on a faite vraiment ensemble, c'est ce morceau. Il m'avait invité à plusieurs reprises, quand même, si, sur des concerts, mais la première chose qu'on a faite ensemble, complètement, c'est ce morceau Arabécédaire, qui se trouve sur mon album No Sport, que j'aime beaucoup, je tiens beaucoup à ce morceau, et on le diffuse au début des concerts du Couscous Clan, parce que c'est pour moi c'était un moment incroyable, c'est-à-dire la manière même dont il s'est construit, c'est Rachid qui un jour m'envoie un SMS nocturne, dont il avait l'habitude. C'était du genre Habibi, ou il m'appelait Habibi ou Papa, hein. Il faut que tu chantes en arabe, voilà. Et je lui disais, très bien, oui, c'est avec plaisir, mais bon, il faut que tu m'apprennes à ce moment-là l'arabe. Et donc, on a convenu de faire un morceau ensemble où il m'apprendrait l'arabe. Et en fait, en studio, ça s'est transformé. C'est moi qui récite les règles de prononciation, certaines règles de grammaire de l'arabe. Et on a fait un morceau ensemble, et ça a été un grand moment. Quelque chose s'est vraiment soudé entre nous, pas seulement affectivement, là, vraiment musicalement, et je pense que ça a été l'origine du Kouskouska, en fait. Mmh. À son décès, on a lu beaucoup de choses à son propos dans la presse. J'ai retenu l'expression que je vous livre, la triste fin d'un passe-muraille. Il avait marqué l'histoire du rock et des musiques maghrébines en jetant des ponts inouïs entre les mondes. Il était l'outrance et la joie, l'ici vu d'ailleurs, et sa vilaine voix de conteur ouvrait dans ce pays post-colonial des terres inconnues. Ça, ça doit vous parler. Ah, c'est magnifique. Qui est-ce qui a écrit ça? J'ai lu ça presse à l'étranger en réalité. C'est pas en Suisse. Je me souviens d'un article. Très beau, c'est probable. C'est probable. Oui, oui. C'est pas Arnaud Robert, oui, oui. Parce que je crois reconnaître son style. C'est un remarquable journaliste suisse qui, je sais, a écrit sur Rachid. Et oui, voilà. Ben ça résume très bien ce qu'était Rachid. Oui. Alors. Le concert du 15 mai, c'est d'ici peu de jours, mercredi 15 mai à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Je lisais l'un des grands principes de Couscous Clan, pardon, ne pas faire dans la demi-mesure. Entre petits concerts à l'improviste ou grands concerts sur de grandes scènes, que chacun des concerts du Couscous Clan garde ce parfum d'émeute joyeuse qui les rend si salutaires. Alors comment allez-vous faire ? Ah ben là, c'est surtout une affaire de c'est notre tâche à nous de musiciens, quoi, de réaliser cette chimie ou cette cuisine, quoi, qui fait qu'un concert se transforme un peu en un événement pour ceux qui sont là et le public. Et le dernier en date, c'était à Banlieue Bleue. Cet hommage vraiment magnifique qui a été rendu à Rachid, auquel le Couscous Clan a participé, quoi. C'était je pense que oui, les gens sont sortis de ce concert avec l'impression d'avoir vécu quelque chose de fort, quoi. Il ne s'agit pas simplement de jouer de la bonne musique, hein. Il s'agit aussi de fêter. Et là, de fêter cet ami, quoi, qui était un grand fêtard. Il sera de fait présent, en quelque sorte, à vos côtés. Sa voix va vous accompagner. Oui, mais il ne s'agit pas de le... Encore une fois, ici, le danger des commémorations, c'est bien sûr d'être dans la tristesse ou dans quelque chose de figé. Je pense que Rachid, la meilleure manière de l'honorer, de lui être fidèle, c'est de l'emmener avec nous dans quelque chose de vivant. Et donc, c'est d'où l'importance, le choix là, des invités. Bon, là, il y a Sofiane Saïdi qui va venir chanter avec nous, qui est un merveilleux chanteur de raï, que Rachid adorait. Et c'était bien sûr réciproque. Et on s'est rencontrés à plusieurs reprises récemment, avant la mort de Rachid. Et pour moi, c'était l'invité qui s'imposait, quoi. Et les musiciens qui sont à vos côtés, qui contribuent oui. Effectivement à cet esprit de Couscous Clan. Oui, là, c'est vraiment les fidèles, quoi, les plus proches de Rachid. C'est bien sûr Hakim Amadouche, quoi, qui était son... Il était de tous les concerts, ça a été son je ne sais pas s'il faut dire son bras droit ou son bras gauche, parce qu'il était toujours à sa gauche, mais c'était le compagnon de toutes les dernières années. Et Idriss Abadour à la basse aussi, ce groupe, il les appelait quelquefois les musiciens qui l'accompagnaient, parce qu'il a beaucoup de musiciens ont travaillé avec Rachid. Donc ces différents groupes, ils appelaient l'armée mexicaine. Là on a la fine fleur de l'armée mexicaine. Tout ça, comme je disais, avec ce parfum d'émeute joyeuse, assurément, l'esprit sera bien en présence et forcément, l'émotion sera partagée avec le public à cette occasion. Merci beaucoup, Rodolphe Burger. Merci infiniment. Merci, à très bientôt, le mercredi 15 mai à 20h30 au Théâtre des Louvrets à Pontoise, à l'affiche de la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise.